Les frustrés, d'après Claire Brotéché. Un homme simple. Pour le week-end de Pâques, nous étions dans une maison qui appartient à la mère de Juliette, en Touraine. Ah oui. C'est une jolie région, la Touraine. Tu connais? Non. Il y a tous ces châteaux. Loche, Chinon, Amboise, Chenonceau. Et puis la Loire est très belle. Tu sais qu'on peut s'y baigner en été. C'est un des rares fleuves de France où l'on continue de se baigner. Et ce qui est très étonnant à observer, c'est qu'il y a des bancs de sable qui bougent constamment. D'un jour à l'autre, le paysage se modifie, les reliefs se transforment. Ah ouais. Il faisait pas mauvais. On a pu constater que la lumière est magnifique sur les rives. On comprend que William Turner y ait séjourné. Bon, on n'a plus eu le temps de faire du tourisme. On avait que 3 jours. En revanche, j'ai discuté pendant une bonne heure avec le jardinier de la maison. Ah ouais? Un homme extraordinaire. Il m'a beaucoup apporté. Ah bon? Tu peux pas savoir. Bien sûr, c'est un homme qui n'a aucune culture. Disons qu'il possède un vocabulaire de 2000 mots à tout casser. Et pourtant, tu vois, je n'ai éprouvé aucune difficulté à communiquer avec lui. Ah oui? Je t'assure. Ça a été une sorte de rencontre. Évidemment, je ne lui ai parlé que de ce qu'il était susceptible de l'intéresser. Les salades, les tomates. Ah, il faisait un bel potager. Le passage des saisons. Les légumes d'hiver, les légumes d'été, les fruits. Il y avait un figuier derrière la maison qui embaumait. Maria, tu as déjà senti l'odeur du figuier tôt le matin, quand la rosée exalte les parfums de la nature? Non. C'est une expérience, tu sais. Nous avons parlé de ça. De la vie des arbres. On ne sait plus ce que c'est qu'un arbre. C'était une grande leçon pour moi. Ah oui. C'était fou la simplicité de regard et l'espèce de bonté qui émanait de cet homme. Il était là, à s'occuper de ce bout de jardin qui ne lui appartenait même pas. Il en connaissait tous les secrets. On sentait qu'il devait passer des heures à le contempler, à lui prodiguer toutes sortes de soins. Sans se presser, sans rien attendre en échange que le bonheur d'être là. Tu comprends, Maria? C'est lui qui a raison. Nous, on vit comme des cons. Toujours à courir dans tous les sens, on se demande bien après quoi. Je peux vous demander de lever les pieds, monsieur, parce que là, je dois nettoyer. Merci. Tu vois, Maria, en parlant à cet homme, j'ai ressenti profondément que les barrières de classe sont en train de disparaître. Tu vois ce que je veux dire? Certainement, monsieur. Ça a été une belle rencontre. Une belle rencontre. Je peux reposer mes pieds? Ben oui, monsieur. Il faudra me donner vos sabots, ils ont besoin d'un petit coup de cirage. Le langage des fleurs. Une rose pour madame. Merci. Dans un restaurant, nappe à carreaux, vin rouge, cuisine du terroir. Oh, monsieur offrira bien une rose à madame. Non, merci. Merci. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Des roses pour ces jolies dames. Non, merci. Jolie dame, mon cul, hein. Ah, j'ai horreur de ça. Et pour avoir l'air plus con qu'avec une rose à la main, faut se lever de bonne heure. Et tu remarqueras que c'est nous qui refusons. Hein. Les mecs n'ont rigoureusement rien dit. Mais qu'est-ce que tu voulais que je dise? Tu détestes qu'on tente des fleurs? Non, mais absolument, c'est pas une critique, mon chou. Hein. Une simple analyse de comportement. Hein. Roger, je t'en resserre une moute? Avec plaisir. Tu comprends? Nous, on veut pas de roses. Mais d'autre part, on veut pas avoir l'air d'être avec des rats. Hein. Alors, on refuse ostensiblement pour les dédouaner. Ah bah oui, t'as raison. C'est tout à fait ça. Et entre nous soit dit, ça prouve quand même à quel point on est encore dépendante. Hein. À un niveau inconscient, je veux dire. Elle est partie, la petite dame, avec ses roses. Non, je te suis pas. Là-bas. S'il vous plaît. Écoute, je veux pas de roses. Bon, ça, c'est la partie émergente de ton discours. Admettons. C'est combien, la rose? 10 francs, monsieur. Mais la partie sous-jacente, c'est... je veux pas que vous pensiez que mon mec me refuse quoi que ce soit. Hein. Ah, merci, monsieur. Je suis une femme comblée. Celle-ci vous convient, elle est bien rouge. Entre parenthèses, connotation sexuelle évidente. Bonne évidemment. Soirée, monsieur. Bonne soirée. Si j'avais envie d'une rose, il m'en offrirait 12. Hein. C'est moi qui n'en veux pas, que personne ne s'y trompe. Tiens, mon Roger, c'est pour toi. Oh, c'est pour moi? Ah, ça me fait plaisir. T'as pourtant raison. Oh, c'est fou, ça. On se croit indépendante et à la première rose qui passe, vlan. Ouais. Et elle sent bon en plus. Tu l'as senti, Jean? Fais voir. Mmh, hein? C'est vrai qu'elle sent bon. Je vous resserre, les filles? Les Frustrés, adapté de Claire Bretéché par Christelle Wurmser. Avec Julien Cibre, Jacqueline Corrado, Éléonore Jonquet, Grégoire Beaujat, Ingrid Donadieu, David Jesselson, Morissette Gourdon. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Christine Bernard-Sugit.